Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir à chaque semaine la richesse et la diversité de la francophonie musicale canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHU, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envoie le 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission, commentaires, suggestions ou contacts d'artistes. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà. Écoutez, on va y aller avec la deuxième partie du Bloc de l'Est, Québec-Ontario, deuxième heure de l'émission, avec tout simplement une chanson de ralliement. C'est qu'il va finalement avoir un documentaire, Denise Bombardier, qui vient rencontrer les Franco-Ontariens en Ontario pour voir qu'on existe vraiment et qu'on est vivant. Et la chanson thème du documentaire sera « Personne ne pourra m'arrêter » de Mélissa Ouimet et les artistes de la francophonie qu'on va entendre dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Céleste Lévy qui fait partie de la chanson et du vidéoclip de la chanson. On va l'entendre avec sa chanson à elle qui s'appelle « Faire du bien ». Et on va terminer ça avec la nouveauté de Mme Janie René, « Tu me manques », belle reprise de la chanson de M. Marcel Aymard. Mais pour l'instant, voici « Personne ne pourra m'arrêter ». On me dira non, ce sera comme hier et comme demain peut-être. Toujours des raisons et des commentaires sur ce que je devrais être. Je me fous des barrières, je vais gagner à ma manière. J'allumerai en moi ce qui survivra au-delà. Les promesses en l'air ne voleront pas plus loin. Et combien de fois on me guidera sur les mauvais chemins? Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins, hein? Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins, hein? Qu'importe la distance, je ne donnerai jamais ma chance. Je trouverai la lumière au cœur de la. Personne ne pourra m'arrêter. Non! Personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Tu perds ton temps à essayer. Close. Tu me je m'écorche et je me brise jusqu'à l'écorce de métal et de cuir, jusqu'au nœud serré, jusqu'aux sanglots d'enfants abandonnés. Jeanne et René qui revisite comme ça à chaque mois de l'année une chanson franco-ontarienne. Elle choisit différentes chansons et elle y met sa touche jazz personnelle. Et c'est vraiment intéressant ce qu'on vient d'entendre. Tu me manques de Marcel Aymard. Tu es sorti quand même, je pense, aux alentours des 2000 quelques. Et c'est vraiment intéressant cette version-là. Vraiment bien fait. J'ai appris cette semaine une nouvelle qui est arrivée tout simplement, bonnement, comme ça, tranquillement, en début juillet. Qu'est-ce qui s'est passé en début juillet? Eh bien, il y a Alexandra Strelitzky qui s'est vue remettre un disque d'or à l'émission matinale « Salut, bonjour » pour souligner les 40 000 copies vendues de son album « Inscape ». Écrit et enregistré en toute intimité, alors que les jours les plus sombres de son burn-out étaient enfin derrière elle. Et vraiment, cet album-là, c'est merveilleux. Écoutez, on parle ici, l'album là, a été écouté partout à travers le monde, 52 millions d'écoutes. 52 millions d'écoutes, c'est de l'écoute, mesdames et messieurs. Et comme je vous dis, elle a vendu 40 000 albums au Canada. Et puis numéro un des ventes au Québec pour les deux premières semaines de sa sortie. Cet album-là s'est vu mériter aussi l'album de l'année au Independent Music Award. L'album est sur la liste des prix Polaris 2019. Sa musique joue dans les émissions Sharp Object et Big Little Lies de HBO. Bref, c'est vraiment une auteure, une compositrice, devrais-je dire, ce qu'on dit classique, néoclassique, fort intéressant. Ce qu'on va entendre, c'est le nouveau départ, vraiment bien fait, c'est merveilleux. Aussi, on va entendre tout simplement Jean-Cyan MG Trio avec la pièce « L'heure du thé ». Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir un petit clip vraiment intéressant que j'ai découvert sur l'Internet ce matin. Et elle est au piano, puis elle joue comme ça, tout bonnement. Très de bonne heure le matin. Donc, c'est un autre artiste, mais jazz cette fois-ci, assez intéressant. Madame Jean-Cyan, qui fait de l'excellente musique avec son trio. Et on va terminer ça avec un beau souvenir de Vanessa. Vanessa Lachance et la pièce « Rose ». Thank you. Thank you.